Chapitre 7e. Mrs. Barnaby fut réellement très peinée de la mort de son cher mari. Plusieurs fois, pendant la semaine qui précéda les funérailles, elle pleura sans trop d'efforts. Mais elle n'était pas femme à se permettre longtemps une faiblesse aussi inutile. Donc, aussitôt la cérémonie accomplie, lorsqu'elle eut appris par l'ouverture du testament qu'elle héritait de 372 livres sterling de rente, plus la maison, l'ameublement, la boutique et son contenu, elle se crut pour de bon colossalement riche et commença à méditer sur la meilleure manière de jouir du bonheur qui lui arrivait. Elle se figurait qu'avec une telle fortune, rien ne pouvait l'arrêter, qu'elle pourrait parcourir le monde, soit pour le conquérir, soit pour s'y amuser, soit mener dans Silverton le train d'une duchesse, ce qui la flattait extrêmement. Adoucie par une si heureuse chance, son caractère devint on ne peut plus aimable. Il n'est pas de tendresse qu'elle ne prodiguât à Agnès. « Ce ne sera pas de ma faute, lui disait-elle, si nous ne sommes pas comme une mère et sa fille. Il n'est pas de sacrifice que je ne sois disposé à faire pour vous, croyez-le bien. Et tenez, malgré tout le mal que cela me fera, je regarderai comme un devoir de quitter le plus vite possible ces tristes vêtements de deuil, afin de pouvoir vous faire faire votre entrée dans le monde. » Agnès, qui n'avait nul désir de lui voir quitter son deuil pour elle, ne savait que répondre. La grande franchise dont elle était douée lui donnait une forte envie de le lui dire. Mais comme en même temps elle était fort intelligente, elle sentait bien qu'en cette occasion, il ne fallait pas laisser voir toute sa pensée et s'en tirer en disant « Vous êtes bien bonne pour moi, ma tante. » Car du moins, cela était vrai. À part cette franchise toute juvénile, Agnès avait déjà beaucoup perdu de cet air enfantin qui avait si fort déplu à Miss Compton. Son teint était toujours beau, mais ses couleurs avaient pris toute la délicatesse de l'églantine. Sa croissance rapide pendant ces deux dernières années n'avait laissé aucun vestige de cette rondeur qui avait tant offusqué sa vieille tante, et sa personne, grande, bien faite, laissait espérer qu'elle réaliserait un parfait idéal de la grâce et de la beauté féminine. Son joli visage avait déjà un charme ravissant, et si l'orgueilleuse Miss Compton avait pu la voir lorsqu'elle se rendit à l'église le dimanche où Mrs. Barnaby recommença à permettre au public de jouir de sa vue. Se tenant bien modestement dans son deuil sévère, à côté de sa superbe tante, qui étalait le sien avec tant d'apparat, elle aurait peut-être compris non seulement qu'Agnès était faite pour hériter de Compton Bassett et de toutes ses rentes accumulées, mais encore qu'il n'y avait ici-bas nul honneur, nulle gloire dont elle ne fût digne. Il régnait entre la famille Wilmot et Agnès une affection si mutuelle qu'on éprouva de part et d'autre un vif désir de ne pas laisser inachevé le laps de temps fixé pour les études de la jeune fille, et l'on obtint, non sans peine, de Mrs. Barnaby qu'elle lui permettrait de passer à Hampton les quelques semaines qui devaient compléter les 5 années, intervalle dont notre veuve profita pour mettre ordre à ses affaires. Elle commença par vendre le fonds de son mari avec la maison, l'ameublement, etc., et se tira si bien de cette affaire qu'elle réussit à faire payer le tout au successeur de M. Barnaby environ une moitié plus cher que cela ne valait. Puis, se trouvant alors à la tête d'un revenu d'un peu plus de 400 livres sterling de rente, elle se prit à réfléchir. Dans sa jeunesse, elle avait entendu dire qu'en ce monde, si l'on voulait arriver, il fallait d'abord se rendre compte de ce que l'on voulait. Une fois ceci bien établi, employer tout ce qu'on possédait d'intelligence à découvrir les moyens d'atteindre ce but, et enfin, se lançait résolument à sa poursuite. Assise devant son bureau, les yeux fixés dans le bague, elle commença à se poser une série de questions. Demande : qu'est-ce que je désire le plus ? Réponse : un mari riche et élégant. Demande : que faire pour l'obtenir ? Réponse : avoir beauté, fortune, talent et être admise dans la bonne société. Demande : possédais-je quelques-uns de ces avantages ? Réponse : je les possède tous, excepté d'être admise dans la bonne société. C'est pourtant vrai, s'écria-t-elle tout haut. Voilà ce qui me manque, voilà ce qu'il me faut acquérir. Une fois ceci posé, malgré l'excellente opinion qu'elle avait d'elle-même, notre veuve ne put cependant éviter de s'avouer qu'elle ne savait comment s'y prendre pour arriver à ce résultat. Il lui vint alors à la pensée qu'il y avait bien de par le monde une personne qui pourrait lui être utile dans cette occasion. C'était la propre sœur de son défunt mari, Mrs. Peters, mariée à un fabricant de toiles, habitant fort heureusement Clifton près Bristol et voyant beaucoup de monde. Mrs. Barnaby n'avait jamais vu cette dame, mais elle n'en était pas moins sa belle-sœur et la veuve de M. Barnaby avait des droits très naturels à son hospitalité. Tout en n'étant pas ce qu'aurait rêvé notre héroïne, elle se disait qu'une fois lancée dans le monde de Clifton, elle saurait bien mener sa barque. Le retour d'Agnès approchait. Mrs. Barnaby se mit à préparer son départ, et tout en triant les objets qu'elle pensait garder plus tard et ceux qu'elle destinait à la trop heureuse Agnès, elle ne pouvait s'empêcher d'aspirer avec ardeur à l'époque où elle pourrait enfin déposer ses affreux vêtements de deuil. Faire son entrée dans le monde élégant sous cet effrayant costume était inadmissible. Elle prétendait que le deuil sait si mal aux femmes qu'il avait dû être inventé par la même inspiration qui, selon l'horrible rite hindou, envoyait périr sur le bûcher les épouses d'un mari qui vient de mourir. « Seulement, s'écriait-elle, dans un élan d'action de grâce involontaire, Dieu merci, notre sacrifice à nous n'est pas éternel. » Il ne fallait donc pas songer à faire sa visite à Clifton avant le moment où, pour nous servir de ses propres expressions, les lilas et les gris seraient devenus possibles. Mais tout cela n'était pas facile à arranger. Ne fallait-il pas que Mrs. Barnaby fût en habit de veuve la première fois qu'elle se présenterait à la sœur de M. Barnaby? Et elle savait qu'elle ne pouvait se dispenser de moins de 6 mois de grand deuil. 6 mois, quel cruel ennui! Les 3 premiers allaient s'être écoulés à Silverton, mais les 3 autres. L'idée lui vint alors d'aller les passer à Exeter, le nec plus ultra de son ambition voyageuse d'autrefois. Et maintenant, disait-elle, je ne saurais pas plus me faire à demeurer là qu'une reine saurait accepter de passer sa vie dans sa chambre à coucher. Plus elle méditait sur son avenir, plus elle en était ravie, si bien que, prise d'une impatience fébrile, elle écrivit à Mrs. Wilmot 15 jours avant l'expiration du délai fixé pour qu'elle lui envoyât Agnès tout de suite. Mrs. Wilmot, qui d'ailleurs était heureuse de rester le plus longtemps possible avec son élève chérie, saisit cette occasion de venir à Silverton, désirant vivement avoir une entrevue avec Miss Compton. Bien qu'Agnès ne se fût jamais permis une plainte, Mrs. Wilmot avait bien deviné les mauvaises dispositions de la vieille tante à son égard, et était, on ne peut plus anxieuse, d'éclairer cette dernière sur le trésor qu'elle possédait dans sa jeune parente. Peu de jours après, ces dames arrivaient chez Mrs. Barnaby. Celle-ci les recevait, on ne peut pas mieux, et se montrait d'une grande amabilité envers Mrs. Wilmot, lorsque cette dame annonça son intention d'aller rendre visite à la tante Betsy. De ce moment, les manières de la veuve changèrent complètement. Elle devint presque grossière vis-à-vis de Mrs. Wilmot, ce qui fit cruellement souffrir la pauvre Agnès. Pourtant, le lendemain, la bonne institutrice se rendait à Compton Bassett. Elle trouva la petite vieille fille dans des conditions si identiquement les mêmes que celles déjà décrites qu'il nous semble inutile d'y revenir. Miss Compton accueillit la digne femme avec la plus grande bienveillance. Mais aussitôt que cette dernière eut prononcé le nom d'Agnès, elle s'aperçut qu'à l'occasion, Miss Betsy pouvait devenir une petite vieille fort désagréable. « J'attends avec impatience de connaître votre opinion sur mon élève, chère madame, » dit Mrs. Wilmot, « car je me flatte que vous l'avez trouvée charmante. »« Alors ne me demandez rien sur elle, » répliqua la recluse. « Elle l'a merveilleusement embellie depuis 2 ans, Miss Compton, mais même alors que vous l'avez vue, elle avait déjà une figure, et tant de douceur, tant d'intelligence. » « Nous ferons mieux de n'en plus parler, Mrs. Wilmot, » interrompit aigrement la vieille fille. « Je conviens que vous avez fait d'elle tout ce que vous pouviez en faire. Ce n'est pas votre faute si l'arrière-petite-fille des anciens Wissett est une Wissett. Pour ma part, sa vue me fait horreur. »« Sa vue vous fait horreur ?» répéta Mrs. Wilmot au comble de l'étonnement. « Mais ma chère Miss Compton, tous ceux qui la voient trouvent que la nature n'a jamais rien formé de plus charmant. Que ses manières timides ne vous aient pas plu, je le comprends encore. » Mais vous ne pouvez pas nier qu'elle ne soit très belle. Je vous demande pardon, madame. Je ne me préoccupe pas des manières d'un enfant. Je sais qu'elles peuvent changer, mais je me préoccupe de l'éclat de ses yeux et des couleurs de ses joues, que je trouve la chose la plus haïssable du monde. Il n'y a pas à raisonner là-dessus, c'est une affaire de goût. Sa vue me rend malade. Plus un mot sur ce sujet, je vous prie. Mrs. Wilmot s'imagina alors, bien à tort, que la vieille fille contrefaite éprouvait pour la beauté un sentiment de jalousie, et répliqua avec une sorte de pitié mélangée de mépris. « En effet, on ne peut raisonner des goûts. Mais lorsqu'il s'agit d'une aussi forte aversion, conçue pour une proche parente dont les aimables qualités et les brillants talents font l'admiration de tout le monde, ce n'est plus seulement une affaire de goût, il vaut la peine d'y penser. » Cet argument parut frapper Miss Compton, et après un instant de méditation, elle répondit « Mais qui me dit que votre appréciation des qualités d'Agnès Willoughby n'est pas aussi fausse que l'est pour moi votre opinion sur sa beauté ?» Ici, une nouvelle lumière surgit dans l'esprit de Mrs. Wilmot. Elle se rappela le fâcheux embonpoint qui avait alourdi Agnès avant que sa croissance, en prenant son élan, n'eût changé l'enfant gauche en une jeune fille grande, mince, aux formes élégantes. Elle continua donc avec une ardeur encore plus vive. « Je vous demande en grâce de la voir une fois, Miss Compton. Je désire que vous formiez votre opinion sur ce qu'elle est maintenant. Voulez-vous me le promettre ?»« Oui, » répondit la vieille dame. « La requête est raisonnable. Je promets de m'y rendre à une condition pourtant. »« Laquelle, Miss Compton ?»« C'est que je ne doive pas voir avec elle son horrible tante Barnaby. » Mrs. Wilmot ne put retenir un sourire, mais elle répondit gravement « Il en sera comme vous voudrez. Je resterai un jour de plus, tout exprès. Demain, à cette heure-ci, consentirez-vous à nous recevoir toutes les deux ?»« Oui, » dit encore la recluse, « et quel que soit le résultat de l'entrevue, je vous serai toujours reconnaissant du sentiment qui vous a poussé à insister. »« Merci, merci, » dit Mrs. Wilmot, se levant pour prendre congé. « À demain, donc. » Revenue à l'auberge où le peu de politesse de Mrs. Barnaby l'avait forcée à se loger, Mrs. Wilmot demanda de quoi écrire et envoya le billet suivant à son élève. « Ma chère Agnès, j'arrive à l'instant de Compton Bassett. Votre tante désire vous voir avant votre départ. J'ai promis de vous conduire chez elle demain matin. Soyez donc prête à 11 heures et veuillez présenter mes compliments à Mrs. Barnaby. Croyez-moi, chère Agnès, votre bien affectionnée Mary Wilmot. » Elle reçut en grande hâte la réponse suivante. Mrs. Barnaby présente ses compliments à Mrs. Wilmot et désire savoir s'il existe quelque raison qui l'empêche de se joindre à elle et à sa nièce dans la visite de demain matin à Compton Bassett. S'il n'en est rien, elle demande à Mrs. Wilmot la permission de l'accompagner dans sa course, Mrs. Barnaby désirant rendre ses devoirs à sa tante avant de quitter le pays. Répondre par un refus à cette requête était bien désagréable. Pourtant, c'était nécessaire et ce fut fait immédiatement. C'est donc avec les joues en feu et les yeux flamboyants que Mrs. Barnaby lut ce qui suit. Mrs. Wilmot regrette infiniment la nécessité où elle se trouve de devoir décliner la compagnie de Mrs. Barnaby pour demain matin, Miss Compton ayant expressément désiré qu'Agnès lui fût amenée seule. À ceci, Mrs. Barnaby répondit « Puisque Mrs. Wilmot a bien voulu prendre le rôle d'intermédiaire, on l'a prie de faire savoir à Miss Compton que la tante qui a adopté Agnès Willoughby entend prendre d'elle un soin trop personnel pour lui permettre de faire des visites dans lesquelles elle ne saurait l'accompagner. » Fortement contrariée et toute déconfite, la pauvre Mrs. Wilmot retourna à Compton Bassett, ses deux billets à la main. Son regret fut d'autant plus grand qu'elle s'aperçut que le désappointement de Miss Compton était sincère. Cette sympathie entre elles amena un échange de confidences intimes, comme jamais l'héritière n'en avait eu avec personne. Elle raconta à Mrs. Wilmot sa jeunesse solitaire au milieu des siens, avec lesquels elle n'avait aucune idée commune, les idées singulières, bizarres peut-être, mais fortement enracinées, qu'elle avait conçues dans son isolement. Elle s'était fait comme un devoir de soutenir autant qu'il serait en son pouvoir le vieux droit au sang noble qui appartenait à la terre paternelle et que le partage en sa faveur avait bien un peu compromis. « Aussi, madame, disait-elle, j'aurais préféré presser sur mon cœur, comme descendant de ma race, un être laid et âgé comme moi, mais vraiment gentilhomme, plutôt que toutes les beautés d'un esprit grossier et vulgaire fussent-elles aussi belles et aussi brillantes que l'était Martha Wissett quand mon benêt de frère l'a épousée. » La dernière partie de ce discours avait été débitée avec une grande volubilité et avec l'apparence d'une grande excitation. Mais cette agitation s'apaisa vite et la petite vieille redevint aussi pâle et aussi calme que d'habitude. « Il n'y a rien là qui me surprenne, Miss Compton, » répondit Mrs. Wilmot. « Le sentiment est des plus naturels. Mais plus vous l'exprimez fortement, plus je m'étonne que vous consentiez à ce que le dernier rejeton de votre ancienne race soit livré à la merci d'une Mrs. Barnaby. » La plus belle éloquence du monde n'aurait pu réussir à faire faire un plus grand pas vers le but que Mrs. Wilmot voulait atteindre. « Vous avez raison, excellente femme, » s'écria Miss Betsy, « vous avez raison. Et je mériterai de voir les terres de mon père peuplées par une race de Barnabys. Je la sauverai. » Mais ici, la pauvre petite femme s'arrêta court. Une panique soudaine s'empara d'elle. Elle était positivement toute tremblante à l'idée qu'elle allait prendre une détermination pouvait l'entraîner à s'encombrer pour le restant de ses jours d'une compagne qui lui rappellerait sans cesse une Martha Wissett ou une Mrs. Barnaby. « Je n'ose pas, » s'écria-t-elle enfin. « Je n'ose m'y engager. Non, ne me forcez pas. Ou tout au moins, arrangez-vous de façon à me la faire voir d'abord, dans une boutique, dans la rue, n'importe où. Je ne puis rien décider auparavant. » « Je voudrais tout faire pour vous satisfaire, » reprit Mrs. Wilmot, « mais je ne puis retarder mon retour au-delà de demain. Et puis, je crois que mon entremise ne faciliterait guère les choses. Pourquoi n'iriez-vous pas tout simplement faire une visite à vos deux nièces, Miss Compton? Il n'y a cela aucune difficulté, et vous auriez ainsi la meilleure occasion de juger Agnès. Allez voir mes deux nièces, tout simplement, aucune difficulté. Tenez, vous ne comprenez rien à ce que j'éprouve. Retournez, retournez chez vous, Mrs. Wilmot. Faites votre devoir. Il est clair et net, du moins celui-là. Laissez-moi me démêler dans le mien, si je puis en venir à bout. Vous n'abandonnerez pas l'idée de revoir cette pauvre enfant, vous me le promettez. Non, je vous le promets, fut la réponse prononcée presque solennellement. C'est ainsi qu'elles se séparèrent, l'utile matrone, pour aller recevoir l'accueil empressé de sa famille, la solitaire recluse, pour aller se livrer à l'examen de ses propres pensées.